Chapitre 6e, le talapoin. Le seigneur éléphant blanc n'apparaissait pas vite. Mais lors même qu'il se serait montré, Tungug aurait-il pu s'en emparer. D'ordinaire, les enfants blancs ne sont pas commodes et sans éléphant brun privé, sans rabatteur, sans une force imposante enfin, on s'en rend difficilement maître. Le pauvre amoureux de la princesse m'a commencé à y songer. Dans le premier moment d'enthousiasme, il n'avait pas prévu les difficultés de son entreprise. Convaincu que sa passion et sa volonté de réussir lui donneraient la puissance, il était parti plein d'illusions, ne doutant point que l'éléphant blanc ne lui obéit au geste et à la voix. Depuis que les aventures les plus périlleuses l'assaillaient quotidiennement, il réfléchissait qu'il lui serait impossible de dompter avec ses seules ressources l'éléphant blanc au cas où il aurait la fortune de le voir. Découvrir l'animal sacré, certes, c'était quelque chose. L'amener à Bangkok, c'était tout. Pourrait-il l'obliger à le suivre? Il se le demandait incessamment avec angoisse et comme s'il eût dû le rencontrer d'un instant à l'autre. Il y avait 3 mois qu'il marchait sans trêve, arrachant sa nourriture aux arbres fruitiers, se cachant la nuit dans les ramures, courant chaque jour le risque d'être dévoré par un tigre ou mordu par un serpent venimeux. Quand un matin, il entra dans une forêt qui s'étendait au pied d'un massif de haute montagne. Il restait dans son revolver une cartouche qu'il réservait pour une circonstance suprême. Il restait son couteau de chasse qui lui rendait continuellement des services. Mais son vêtement déchiré par les ronces, les épines tombaient en lambeaux, et le moment approchait où il allait être contraint de tuer quelques fauves pour se vêtir de sa peau ou de continuer son exploration dans l'accoutrement peu gênant du sauvage. Évitant les lieux habités où il n'avait que faire, recherchant les contrées désertes, les seules où, selon lui, le seigneur éléphant blanc put vaquer, nul indien ne s'était croisé avec lui sur la route. Le pays qu'il traversait appartenait aux bêtes et il ne pensait pas y voir d'autres individus. Lorsque, le matin dont nous parlons, à l'extrémité d'un sentier, il entendit des cris d'effroi, poussés par des poitrines humaines, mêlés à des rugissements de félins et à des grognements d'éléphants. Il écouta, se fraya un passage au milieu de lianes, d'herbes, de joncs, pressa le pas dans la direction d'où partait le bruit, et arriva sur la lisière d'une clairière au centre de laquelle une douzaine de siamois, dont 4 montés sur un éléphant, se battaient contre 2 tigres. Quelques-uns, atteints par des coups de griffes, hurlaient, la poitrine, le dos ou la tête fendue. D'autres lançaient des flèches, cherchaient à percer les carnassiers avec des lances, des javelots, tandis que l'éléphant se défendait follement avec sa trompe et ses dents. Tungug, n'écoutant que son courage, s'élança au secours des individus les plus menacés, se montait sur le dos de l'éléphant qu'un des tigres cramponné au flanc du pachyderme allait atteindre, s'approcha du félin, lui plongea son couteau de chasse dans le flanc et lui logea par derrière une balle dans la tête. Le tigre tomba comme une masse sous l'éléphant qui le piétina, l'écrasa, et son congénère effrayé s'enfuit en emportant sur son dos un des Indiens mortellement blessé. Revenus de leur épouvante, les siamois sautèrent sur l'herbe et se cherchèrent les uns les autres. 2 d'entre eux achevaient de rendre l'esprit contre un bouquet de jacquiers. 1/3 était devenu la proie d'un des félins. Il en restait 9/12. Quand les blessés furent devenus cadavres, celui qui paraissait être le chef de la compagnie se tourna vers l'Indien auquel il devait incontestablement la vie et lui tendit la main. Il portait l'habit jaune du talapoin. Tungug s'inclina respectueusement devant lui, puis le regarda. « Ah ! » fit-il avec surprise, « je vous ai vu il y a 2 mois. »« Moi aussi, » repartit le chef en rappelant ses souvenirs. « À Ajoutia, parfaitement. Tu allais à la recherche d'un éléphant blanc. Et vous, vous quêtiez pour la pagode royale. » « Voilà une rencontre singulière, » exclama Chantaboun, car c'était effectivement lui. « Et heureuse, » ajouta Tungug, puisque j'ai eu le bonheur de vous secourir. Et heureuse, répéta le talapoin avec un sourire, je te croyais mort. Bouddha m'a protégé. Grâce à mon intervention, ne l'oublie pas. L'Indien baissa dévotement la tête. Et quelle nouvelle du seigneur éléphant blanc? Aucune. Tu ne l'as pas aperçu? Non. Et tu persistes à le chercher? Oui. Tu ne le trouveras pas. Qui sait? Il serait plus sage pour toi de retourner à Bangkok. Tu perds ton temps et tu souffres inutilement. S'il le faut, je mourrai à la tâche. Ta persistance me plaît, et puisque tu m'as aidé, je veux à mon tour te rendre un service. » Tungug regarda Chantaboun avec reconnaissance. « Un éléphant blanc a été vu dernièrement de ce côté, le sud. Va par là, tout droit. Sans te déranger, tu le rencontreras si les tigres ne t'arrêtent pas en chemin. Alors, souviens-toi du talapoin Chantaboun. » Tungug rougit de plaisir et sentit instantanément renaître toute sa confiance des premiers jours. Les Indiens avaient déchargé l'éléphant, qui portait des provisions de route et couvrait de feuilles de branchage les deux morts, dont Chantaboun ne s'occupait pas, après leur avoir enlevé leurs vêtements. L'éléphant, revenu de sa frayeur, cassait des jeunes pousses sous la surveillance de son cornac, la petite troupe bivouaquait dans la clairière. « Tiens, dit le talapoin Tungug en prenant dans un panier une boule de riz et trois poissons secs, mange cela et poursuis ta route. Tu as plus de chances de succès en ne perdant pas ton temps. » Puis, le poussant par l'épaule et faisant 30 pas avec lui dans la direction qu'il lui avait précédemment montrée, il lui souhaita bonne chance et revint à ses hommes. Étourdi par cette scène fortuite et dramatique et par ce brusque congé, Tungug s'avança docilement vers le sud en suivant une sorte de chemin creux encaissé entre deux bordures de rochers escarpés qui s'étendaient indéfiniment. « Au moment où je commençais à désespérer, grommela-t-il, le ciel m'envoie un encouragement sacré. En avant, une fois de plus pour la princesse Ma et pour le seigneur éléphant blanc. Dussé-je, pour réussir, faire le tour de l'Indochine ?» Mais reprit-il, en manière de réflexion, « Par quel hasard le vénérable talapoin Chantaboun, qui appartient à la pagode royale d'Ajoutia, est-il dans ces parages éloignés ?» Ce hasard, qui ne tourmenta pas longtemps son esprit, était fort simple. Les talapoins, nous l'avons noté plus haut, ne sont pas astreints, comme les moines catholiques, à demeurer dans le monastère auquel ils appartiennent. La plupart y passent, chaque année, que la mauvaise saison. Le reste du temps, ils vont où il leur plaît, par le royaume, persuadés que leur avis leur ouvrira toutes les portes et que les aumônes ne leur manqueront jamais. La règle austère de leur ordre, que bien peu d'entre eux observent, ne les gêne en aucune façon, et les populations exceptionnellement superstitieuses au milieu desquelles ils vivent ne cessent de les respecter même lorsqu'ils n'ont plus rien de respectable. Tout est licite pour eux et on ne les empêche de faire quoi que ce soit, pas même la contrebande qu'ils exercent sur une vaste échelle. Le rang qu'ils occupent dans l'ordre social siamois leur permet d'aspirer aux honneurs et aux dignités les plus incompatibles avec leur état, qu'ils ont la faculté de quitter pour rentrer dans la vie séculière et se marier. Or, Chantaboun était dans ce dernier cas. Il rêvait de troquer son habit jaune contre la tunique brodée de prince royal. Un mois après le départ de Tungug, il avait abandonné Ajoutia pour se rendre chez une riche famille d'Angkor qui le demandait. Là, assistant un soir, un indien fiévreux qui trépassait, et ayant appris de lui qu'un éléphant blanc rôdait du côté des ruines d'Angkor la Grande, au nord du lac Thal, il s'était procuré un éléphant privé et une escorte pour courir à la recherche de l'animal sacré, dévoré par la passion de s'enrichir et souriant à la pensée d'épouser la princesse Ma. Il était en chasse depuis 3 jours et il se croyait sur la piste du pachyderme lorsque des tigres l'avaient attaqué juste à point pour fournir à Tungug l'occasion de lui sauver la vie. Médiocrement reconnaissant de sa nature, il s'était empressé de payer l'Indien de son aide en l'égarant à dessein, en l'envoyant au sud, quand il savait que l'éléphant blanc devait être au nord, et en l'éloignant vite de son escorte afin qu'il n'entrât point en communication avec elle et ne sût rien du motif qui l'entraînait, lui, Chantaboun, de la pagode royale d'Ajoutia, à explorer les montagnes, les forêts des environs d'Angkor. Ainsi, il s'était débarrassé d'un concurrent intrépide. Il avait donc toutes les chances de gagner facilement un prix que personne ne lui disputait dans ces contrées où nul, excepté lui et ses esclaves, ne soupçonnait la présence d'un éléphant sacré. L'Indien mort de la fièvre dont il vient d'être question avait connu cette présence par accident et aurait profité de sa découverte si la malaria ne l'eût abattu. Se voyant perdu, il avait cru gagner le ciel en livrant son secret à un talapoin, et c'est ainsi que le moine d'Ajoutia s'était trouvé face à face avec Tungug près des confins du Cambodge. Providentiellement délivré des tigres, Chantaboun remonta sur son pachyderme et, précédé ou suivi des 8 survivants de son escorte, recommença sa chasse, enchanté d'avoir envoyé son rival chercher à l'équateur ce qu'il ne pouvait trouver qu'au pôle. De son côté, Tungug s'enfonça résolument au sud, heureux lui aussi de sa journée et convaincu que le talapoin lui porterait bonheur. Moins riche que la veille, puisqu'il avait brûlé sa dernière cartouche, ne possédant plus qu'un revolver inutile, dont il ne devait se servir que comme coup de poing et un couteau de chasse ébréché, il allait cependant fièrement, tressaillant de joie, et mangeant par petites bouchées la boule de riz, les poissons secs que le talapoin lui avait donnés. « Oh, ma !» répétait-il par intervalles, « chère et belle ma, je touche donc au but. Je vais donc vous épouser. Vous épouser, c'est le paradis qui s'ouvre pour moi. » Deux jours se passèrent, puis quatre, puis huit, sans qu'il découvrît rien. Aux prises avec des difficultés, des privations croissantes, ne trouvant plus même assez de fruits pour tromper sa faim, mangeant des feuilles, de l'herbe, n'ayant aucun moyen d'allumer du feu et par conséquent de se protéger la nuit, en plaine ou dans les vallées contre les bêtes féroces, perdu dans des terrains marécageux, parfois boisés, parfois découverts, arrêté à chaque instant par des rivières remplies de gaviales, torturé par les moustiques, attaqué par les sangsues, entouré de reptiles, maigre, décharné, le désespoir entra dans son cerveau. Il voulut revenir sur ses pas, remonter vers le nord. Partout il se heurta à des barrières infranchissables, rochers ou marais, fourrés épais ou torrents, et il lui fallut continuer à tourner dans le dédale désespérant où la perfidie de Chantaboune l'avait jeté. Au bout d'un mois de marche, de contre-marche, de fatigues inouïes, il s'affaissa, vaincu par l'épuisement, au pied d'un mamelon rocheux, sous un premier talapate, et là, il pleura ses illusions perdues, sa passion pour la fille du roi, sa vie qui s'en allait par lambeaux, comme ses vêtements, et qui, d'une heure à l'autre, devait abandonner un corps usé, trop faible pour la contenir. « Oh, ma !» sanglota-t-il. « J'étais fou, j'étais fou !» Et sa tête tomba dans ses mains sans force, et sa poitrine se souleva sous la douleur qui l'oppressait. Une plaine prolongée sortant des jungles le tira de sa prostration et lui fit lever les yeux. D'abord, il ne vit rien, mais petit à petit, il découvrit une masse animée dans un coin humide. Ému, il avança la tête vers elle, la regarda attentivement, blêmit, rougit tour à tour, puis, se dressant comme un fou, poussa un cri perçant, un cri de bonheur, d'enthousiasme et de reconnaissance. Il avait devant lui un éléphant blanc.